Ça s'est passé un dimanche matin, et ça pour sûr, je m'en souviens très bien. Ma femme me dit, va t'en donc faire les courses, et par là même, va donc vider les bourses. Ça faisait 20 ans que j'étais pas descendu, du dans la vallée, dans cette ville perdue, du où les gens courent sans jamais se dire bonjour, où les gens bons ont les pieds dans le torchon. Mais qu'est-ce qui a bien pu non se passer pour que nous soyons toujours si pressés? Sans un regard, une parole échangée, sans un espoir, sourire s'est partagé. Pris de panique, je me suis réfugié chez une boutique, c'est la maréchaussée. C'est monsieur l'agent, je cherche le petit marché. Chez je suis perdu, je ne le retrouve plus. Mon brave monsieur, il y a bien longtemps, tant que tout fout le camp, que tout a foutu le camp. Quand le petit marché s'étale, c'est des dalles. Le petit marché et même sa femme fatale. Mais qu'est-ce qu'il y a bien donc pour se passer, pour que nous soyons toujours si pressés? Sans un regard, une parole échangée, sans un espoir, souffrir c'est partager. Alors j'applique ce judicieux conseil, c'est que ma petite femme m'avait donné la veille. Veille, je me dirige vers la rue des Abeilles, où de belles filles en veulent à ton oseille. Sous un devant, je ne crois pas mes yeux. La rue n'est plus là, mais un endroit curieux. C'est un super hypermarché pour ceux qui n'ont plus l'air vraiment d'être très heureux. Mais qu'est-ce qui a bien pu nous se passer pour que nous soyons toujours si pressés? Sans un regard, une parole échangée, sans un espoir, s'aimer c'est consommer. Alors tout triste, je me suis en allé. J'ai pris la piste, j'ai quitté la vallée. Bref, fataliste, adieu le petit marché. Dès l'écueil, je remonte vers mes sommets. Au moins là-haut, ma tombe m'a dulciné. Mais le petit m'en tient pas la télé. Je leur raconterai l'histoire du petit marché. Le premier jour où je t'ai rencontré. Mais qu'est-ce qui a bien pu dans ce passé pour que nous soyons toujours si pressés sans un regard?